Lorsque nous étudions la vie des grands hommes de Dieu dans la Bible, nous constatons à diverses reprises que Dieu les a choisis dès leur naissance pour une vocation précise. C'était le cas de Jérémie, à qui Dieu a dit « Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie 1, 5. C'était vrai aussi de l'apôtre Paul. Il en a rendu témoignage en ces termes. « Il plut à Dieu qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. » Galates 1, 15 à 16. L'Écriture nous parle aussi de certains cas où Dieu est intervenu lorsqu'une femme était stérile, conférant ainsi un caractère miraculeux aux naissances consécutives à cette intervention. Celle d'Isaac, de Samson, de Samuel, de Jean-Baptiste et d'autres encore. De même, la naissance des jumeaux Ésaü et Jacob doit être considérée comme un événement exceptionnel au travers duquel Dieu voulait accomplir son plan messianique. Je vous invite à lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 25, à partir du verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et il dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Deux nations sont dans ton ventre, avait dit l'Éternel à Rebecca. Et ces deux nations, Édom et Israël, se combattront pendant des siècles. Mais avant que cette prédiction ne devienne réalité, Ésaü et Jacob ont manifesté deux natures fort divergentes qui n'ont fait que de s'affronter. Les deux fils d'Isaac et Rebecca étaient fort différents dans leur tempérament et leur caractère. Or, comme Ésaü fut le problème numéro un dans la vie de Jacob, nous ne pouvons aborder l'étude de la vie de Jacob sans nous arrêter quelques instants sur ce frère intempestif et rempli de haine qui bouleversa toute son existence. Poursuivons donc notre lecture en Genèse 25, verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Habile chasseur, Ésaü débordait de vitalité et d'activité, alors que Jacob était un homme paisible. Plus tard, Ésaü attristera beaucoup ses parents en pratiquant la polygamie et en se mariant avec des femmes païennes. L'Écriture ne nous parle pas beaucoup de la vie d'Ésaü. Elle s'arrête surtout sur un fait essentiel qui montre le caractère de ce fils indigne que Dieu a dû rejeter. Un jour qu'Ésaü revenait des champs, exténué et affamé à la suite d'une longue randonnée, il trouve Jacob en train de cuire un potage. Tout naturellement, il demande à son frère de lui en donner. Mais Jacob ne voulut partager son repas sans conclure d'abord un marché avec Ésaü. Nous lisons Genèse 25, 31. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Le droit d'aînesse était quelque chose de fort important dans la vie des patriarches et chez leurs descendants. Non seulement le fils aîné avait droit à une portion double, mais en cette époque reculée où il n'y avait pas encore de sacrificateur de l'Éternel, les patriarches étaient responsables de la transmission des promesses divines et de la lignée messianique. Le droit d'aînesse représentait donc avant tout une responsabilité sur le plan spirituel, une véritable vocation de suivre et de servir le Seigneur. Mais Ésaü méprisa ce droit d'aînesse et cette vocation. À la demande de Jacob, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Il répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Genèse 25, versets 32 à 34. Beaucoup plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle ce triste incident. « Qu'il n'y ait parmi vous ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Hébreux 12, 16. En méprisant son droit d'aînesse, Ésaü a foulé aux pieds ce qui était le plus sacré. Il a donc été profane. Innombrables sont ceux qui, depuis 4000 ans, ont suivi son exemple. Ils ont préféré les jouissances passagères d'un moment à la recherche de la volonté de Dieu en vue de l'accomplissement de leur vocation chrétienne. Mépris des intérêts éternels pour mieux sauvegarder leurs intérêts propres, pourtant bien éphémères. Exclusion volontaire du plan d'amour de Dieu au profit de l'iniquité, de la débauche ou de la révolte contre le ciel. Oh, que nos esprits soient toujours davantage exercés par la notion du sacré et par la révélation de la sainteté de notre grand Dieu. Revenons à Ésaü. Déchu de son droit d'aînesse, il sera encore privé de la bénédiction paternelle que son frère lui soustraira par ruse. Nous en reparlerons lorsque nous traiterons du chapitre 27 de la Genèse. Toutes ces circonstances ont contribué à remplir le cœur d'Ésaü de haine et de jalousie à l'égard de son frère. Comme s'il n'avait pas eu lui-même sa part de responsabilité dans ces événements qui ont déterminé toute sa carrière. Dans sa préscience, Dieu savait qu'Ésaü s'écarterait du chemin droit et de l'opportunité de servir le Seigneur. Cependant, Ésaü a eu l'occasion de se repentir. Il l'a refusé. Au contraire, il s'est exclu lui-même de la grâce divine par son acte profane et sacrilège, ainsi que par ses désobéissances répétées. Dans sa colère, Ésaü voudra faire mourir Jacob, mais il n'y parviendra pas. Ses descendants, les Édomites, hériteront de ses sentiments de haine et de vengeance, au point de devenir les ennemis déclarés des fils de Jacob, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Je vous invite à un rapide survol de l'histoire biblique pour découvrir cet antagonisme. Le premier adversaire qu'Israël rencontre à sa sortie d'Égypte, c'est Amalek. Or, ce peuple portait le nom du petit-fils d'Ésaü, et il a fait tout ce qu'il pouvait pour entraver Israël dans sa marche. Exode 17, 8 à 16. Puis nous retrouvons Amalek, dans le livre des Nombres, au chapitre 13, menaçant les Israélites à la veille de la conquête du pays promis. Après le livre des Nombres, chapitre 13, c'est le livre des Juges, chapitre 6, où Gédéon aura beaucoup de peine à refouler les Amalécites envahisseurs. Puis, c'est le premier livre de Samuel, chapitre 15, où le roi Saül livre bataille à Agag, roi des Amalécites, puisqu'il en a reçu l'ordre de la part de Dieu. Saül épargne son adversaire, mais plus tard, David reprendra le combat contre ce peuple ennemi d'Israël. Bien des générations se succèdent. Le livre d'Esther nous parle de la plus grande tentative de génocide des siècles précédant l'ère chrétienne, lorsque Haman, premier ministre à la cour d'Assuérus, roi de Perse, décrétera la destruction systématique du peuple d'Israël, exactement comme le fera Hitler au XXe siècle. Or, qui est cet Haman? Un Agagite, dit l'Écriture, donc un descendant d'Agag, le roi Amalécite. Ce survol historique serait incomplet si je ne rappelais pas qu'au premier siècle de l'ère chrétienne, d'autres descendants d'Ésaü ont encore fait preuve d'agressivité, pas seulement à l'égard d'Israël, mais surtout envers Jésus-Christ et ses témoins. Hérode le Grand, parce qu'il considérait Jésus né à Bethléem comme un concurrent indésirable, a fait massacrer tous les enfants de Bethléem, Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. Or, Hérode le Grand était un Iduméen, donc un lointain descendant d'Ésaü. Il eut pour successeur Hérode Antipas, le meurtrier de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez sans doute du récit de Marc chapitre 6. Lors d'un festin, la fille d'Hérode avait gagné les faveurs de tous les convives. La femme d'Hérode en profita pour obliger son mari à décapiter Jean-Baptiste, dont la tête fut apportée sur un plat. Si Ésaü, le lointain ancêtre d'Hérode Antipas, avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, Hérode Antipas s'est exclu lui-même de la repentance et du salut par le plat portant la tête du prophète. Est-ce étonnant que Jésus-Christ, lors de son arrestation à Jérusalem, garda le silence lorsqu'il fut introduit devant Hérode, Luc 23, 6 à 9. Après Hérode Antipas, Hérode Agrippa Ier. Il a fait mourir l'apôtre Jacques et emprisonné l'apôtre Pierre. Mais Dieu l'a terrassé, comme en témoigne le 12e chapitre des Actes. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, harangua publiquement les Tyriens et les Sidoniens. Le peuple s'écria « Voix d'un dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Acte 12, 21 à 23. Lorsqu'on résiste à Dieu et au Saint-Esprit, on s'expose à un sort dramatique. Ésaü et sa descendance en ont abondamment donné le témoignage. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 31. La postérité d'Ésaü n'a pas subsisté. Elle a été engloutie dans le brassage des peuples du Moyen-Orient. Cependant, si elle a manifesté tout au long de son histoire la haine et la rébellion contre Dieu, Jacob et ses descendants ont démontré au contraire la bonté souveraine de Dieu. Bien sûr, Jacob a eu ses défauts, comme nous le verrons dans les chapitres suivants. Mais la sombre toile de fond des expériences d'Ésaü fait ressortir la lumineuse grâce de Dieu qui a transformé Jacob. C'est ce que nous étudierons dès la semaine prochaine. Mais, chers amis, ne voulez-vous pas, en ce jour, saisir la grâce de Dieu qui s'offre à vous? Cessez donc de refuser le salut en Jésus-Christ. N'hésitez plus à entrer dans le plan merveilleux de Dieu qui sait ce qui est le meilleur pour vous. Ne vendez pas votre droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est-à-dire, ne négligez pas votre salut éternel pour quelques jouissances passagères. Répondez à l'appel de grâce de Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur.